Tout le monde perdu. Chérie, mais vous payez. Ma soeur perdue. Marie m'perdu, tout le monde perdu. Chérie, mais vous